RCF. Chers auditeurs du cahier de musique, une fois de plus, nous avons une grande chance. Nous avons une chance de recevoir quelqu'un qui a énormément voyagé et qui, heureusement pour nous, a beaucoup filmé. Donc, il s'agit de Patricia Skrajen-Verhagen qui a parcouru le monde. Bonjour Patricia, racontez-nous comment ça s'était passé. Oui, bonjour Esbieta, j'ai beaucoup apprécié ta musique. C'est comme ça que je t'ai connue à Los Angeles il y a pas mal d'années. Et donc, je vais un petit peu parler de ma vie. Comment, surtout le déclic qui a fait que j'ai démarré à faire des films ethnologiques. J'étais avec Étienne, donc une grande histoire d'amour, une sorte de apax, comme le dirait je ne sais plus quel philosophe, c'est-à-dire qu'il y avait une très grande fusion de complémentarité au niveau du travail et des idées. Nous étions à un colloque au Musée de l'Homme, à Paris, où tous les grands ethnologues, Bastide, j'en oublie parce que j'ai un peu le trac ici, et Jean Rouch nous avait invités, et ils discutaient pendant des heures et ont montré des films sur les phénomènes de possession. Et je dois dire, je m'ennuyais un peu. Et à un moment donné, il y a Bastide, un très grand ethnologue aussi, qui dit « C'est curieux, nous parlons tous de ce phénomène et aucun de nous n'ose faire le pas et se faire initier. » Et à ce moment-là, paf, j'ai eu un déclic et je me suis dit « Eh bien, moi, je vais oser. » Et c'est comme ça que ça a démarré. Et nous avions un tout petit... Je continue. Oui, oui. Nous avions un tout petit budget pour aller faire quelques films en Amérique latine avec un stop en Haïti. Je dois vous dire qu'à l'époque, Haïti était un pays, enfin actuellement aussi très dangereux, mais c'était la période dans les années 80 du dictateur Baby Doc, tristement connu pour ses tontons Makoute qui étaient une police... parallèle, des gars habillés tout de bleu, foncé, avec des lunettes solaires et une machette ou un bâton. Et ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, parce qu'ils pouvaient même se venger personnellement sur des ennemis qu'ils avaient dans leur vie privée. Donc c'était un pays assez dangereux. Alors, quand nous sommes débarqués là, nous avions dans les 20 ans, nous étions très jeunes, Donc, vous, Patricia et Étienne Verhagen. Voilà, Étienne tenait la caméra et moi le son. Et on co-réalisait ensemble. Alors, notre grand but, donc surtout le mien, je voulais me faire initier au vaudou. Il fallait d'abord rencontrer, ça porte d'autres noms, mais c'est pour simplifier pour l'audience, ça s'appelle un prêtre vaudou pour aller plus rapidement. Donc, on ne dit pas chaman, non. Non, on dit... Ougan. Et la femme, c'est Mambo. Et donc, il fallait d'abord en rencontrer un. Et il ne faut pas oublier que le vaudou, ça remonte avant l'esclavage dans différents pays d'Afrique que les esclavagistes ont ramené en Haïti et pour abuser forcément d'eux. Et la seule chose, une des choses principales qui a permis... aux Haïtiens esclaves, de tenir le coup, parce qu'ils n'étaient plus qu'une marchandise, on ne leur donnait même pas une âme, ils se réunissaient clandestinement le soir dans des endroits, et pour cacher leur rituel ancestral, ils faisaient des prières catholiques, qu'ils ont intégrées actuellement. C'est-à-dire qu'un esprit comme par exemple Saint-Patrick est l'équivalent de Ogou. Et Erzuli est l'équivalent de la Sainte Vierge. Et donc, ils ont fait une sorte de mixture. Mais disons que chez eux, le point principal du vaudou, c'est d'être reçu par des esprits. Donc, c'est un rituel, pour ceux qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Un rituel animiste qui vient d'Afrique et dont il y a une forme de syncrétisme parce qu'il y avait des Noirs qui venaient du Congo, du Dahomey, de différentes régions. Et ce que les esclavagistes faisaient, ils essayaient de les séparer par tribu pour qu'il n'y ait pas de cohésion. Mais ils ont tout de même réussi à créer une cohésion et à créer cette religion. Et cette religion, enfin moi j'appelle ça de l'animisme, ils ont, grâce à ça, ils n'ont pas perdu leur âme parce qu'ils étaient tellement maltraités. Deuxièmement, ils se sont rebellés et ça a été la première île qui s'est libérée de l'esclavage en 1800 et des. Et parce qu'ils se sont réunis dans les réunions vaudou et ils se sont organisés. Mais ce vaudou faisait peur aux autres qui n'étaient pas réunis. Oui, parce que ce qui a très longtemps existé, c'est qu'on croit que tout ce qui n'est pas notre religion catholique, c'est surtout les prêtres de l'époque croyaient que c'était un pacte avec le diable. Mais ça n'avait absolument rien à voir parce que le vaudou, c'est le culte des ancêtres qui revient dans le corps des adeptes et qui leur donne la force, le courage et qui les relie à la planète même. Parce qu'ils sont persuadés, et ça déjà des scientifiques l'ont découvert aussi, qu'il y a une couche d'énergie autour de la Terre. Et ces énergies, elles ne sont pas visibles, donc elles ne sont pas perceptibles, mais elles peuvent, à travers certains rituels, dont la musique, le chant, les nourritures, les sacrifices, ces énergies s'incorporent dans le corps des initiés. Donc, je vais aller. Je ne sais pas si je suis un peu claire. En tout cas, on vous suit, mais qu'il y a des énergies qui tournent autour de la Terre et dans la Terre, oui, nous savons par le magnétisme, par les ondes, ne plus que radio, oui, télévision, voilà, etc. Donc, ce n'est pas discutable. Seulement, comment les gens arrivent à se persuader, parce que je pense qu'il y a une auto-persuasion d'être le relais, le capteur. Je vais vous dire, donc, moi je vais abréger parce qu'autrement on en aura pour des heures. Après maintes négociations et rencontres, surtout parce que le ougan, c'est-à-dire le prêtre, c'est un peu comme le psychologue. Il faut qu'il y ait une bonne relation de communication et de. D'abord, il parlait le français. Il avait déjà été à New York, donc c'était pas le... Celui que vous avez rencontré. Oui, celui avec qui j'ai fait toute cette initiation. C'était pas un prêtre de la campagne qui était illettré et qui savait pas m'expliquer les choses. Donc, ce que je veux avant tout vous expliquer, c'est que le vaudou, pour les gens ici, c'est souvent des poupées dans lesquelles on met des aiguilles pour jeter des mauvais sorts, où c'est, comme j'avais dit, les premiers prêtres qui ont cru que c'était le diable. C'est totalement faux. Il y a, dans le vaudou, ce sont des réunions, le bon vaudou, parce qu'il y a aussi la magie noire, hein, mais la bonne magie dans le vaudou, tout le monde se retrouve dans un sanctuaire qu'on appelle le péristyle. Les pauvres sont accueillis, les initiés deviennent sœurs et frères d'initiation, s'entraident pour le restant de leur vie. Il y a la joie, il y a la fête, il y a le partage. Maintenant, pour arriver à comprendre ce que c'est le phénomène de possession, moi j'étais réceptive et j'ai demandé un jour, après 3 mois, parce qu'il fallait énormément de patience pour arriver à créer la confiance, parce que la première fois où je suis allée dans le péristyle de ce prêtre que j'aimais beaucoup, toute une bande est arrivée et elle a dit « On ne veut pas les Blancs ici, ils nous ont assez fait mal, on ne veut pas, le vaudou c'est à nous, etc. » Donc il y a eu beaucoup de négociations et finalement je lui dis « Mais est-ce que c'est possible pour une Européenne d'une autre culture, avec un autre schéma culturel, est-ce que c'est possible de rentrer en possession ?» Alors il m'a dit « Est-ce que tu as confiance. Oui, ça, je me rappelle, oui. Vous l'avez dit. Si tu y crois, on arrivera. Oui, et est-ce que tu as confiance? Et j'avais vraiment confiance. Et il m'a dit, mais il va y avoir une cérémonie dans quelques jours, mets un foulard, une robe blanche et viens. Et ça se passe toujours le soir en général. Alors, moi, je suis allée et ça a commencé avec les tambours, une atmosphère très particulière avec des petites lampes et tout ça. C'est un peu intriguant quand on arrive là-dedans. Et puis, je vois que le prêtre fait un tas de rituels et à un moment donné, parce qu'il y a toujours un poteau central qui relie la terre au ciel. Parce que tout ça est très élaboré. Hein. On croit toujours, oh, les sauvages, ils connaissent rien. Mais ils avaient une très grande connaissance de la nature et des phénomènes. Et à un moment donné, le prêtre vaudou s'approche de ce poteau et il commence à trembler. Et en moi-même, je me dis, il fait sa comédie pour moi, il fait un petit cirque ou quoi. Mmh. Et 5 minutes après, paf! Vous perdiez conscience. Oui. Et donc tout ça, j'ai pu et le la mémoire. Heureusement oui. Que vous étiez filmée. Oui, voilà. Mmh. Et c'est comme ça, donc, on a pu... Étienne, il avait très peur, mais comme il avait la caméra, son côté professionnel l'a emporté, il a filmé. Et donc, alors, le réveil, ça c'est la chose. Ah non. Ah oui, le réveil, parce que vous m'avez raconté, oui, c'est vrai tu qu'il y a longtemps, oui. Que vous avez perdu conscience oui. Et que c'est seulement après sur l'enregistrement d'Étienne Verhagen, donc, vous avez vu ce que vous avez fait. Oui. Or, vous êtes changé en serpent, en... Enfin, vous avez traversé... eux appellent ça le serpent mythologique, parce qu'en fait... Je suis tombée comme si je perdais la pesanteur. Mm-hmm. Je suis tombée et je me suis roulée par terre dans le sable parce que c'est toute la terre battue. Mm-hmm. Et à mon réveil, j'étais dans un état. Et je me pose toujours la question si les grands mystiques comme Sainte Thérèse et tout ça n'ont pas eu ça. C'est un moment d'extase rempli d'amour. Je ne voyais plus la misère, je ne voyais plus les couleurs de peau, la distinction, mes petits concepts racistes et mesquins que j'avais quand même intériorisés. C'était l'amour, avec un amour que je ne peux pas transmettre. Mais ça ressemblait à une hallucination, difficile à déterminer. Non, ce n'est pas une hallucination, parce que durant les années 68, sous la guidance d'un grand professeur, le docteur Alpert, qu'on a appelé qui s'est fait initier en Inde, et on a pris du LSD avec lui. C'est tout à fait autre chose. Mmh, mmh. Ça, c'est une hallucination provoquée par une substance. Tandis que la possession dans le vaudou, c'est une substance naturelle. Spirituelle. Oui, spirituelle. Donc voilà. Et à ce moment-là, pour vous expliquer... J'avais commencé, maintenant je voulais me faire initier. Oui, mais quand vous êtes réveillée, vous avez pu parler au bout d'un certain temps, ou bien vous étiez comme genre de coma pendant longtemps? Non, il y a une des anciennes qui m'a prise et qui m'a mise sur une chaise. Et non, je me suis réveillée un petit peu, je dirais, comme une anesthésie après qu'on a eu une opération. Une sorte de... Est-ce que vous avez fait aussi l'épreuve de feu? Oui. Oui. Ça, j'avais l'impression que je l'ai retenue. Ça, mais c'est durant l'initiation. Oui, mais quand même, pour nos auditeurs, tous ces détails sont extrêmement importants. Parce qu'on vous croit. Ah oui, là, franchement... Ce n'est pas que quelqu'un a dit non. Quelqu'un a vu. Et puis, comme j'ai fait de l'ethnologie, j'ai vraiment tout observé, mais je l'ai fait de l'intérieur... Au lieu de rester en faisant la différence entre l'autre et moi, je suis devenue l'autre pendant un petit moment. Et durant l'initiation, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai fait... Après ça, ce n'est que 20 ans après maintenant que j'ai réalisé, parce que j'écris mes mémoires, que j'ai réalisé que durant l'initiation, on fait une régression. C'est-à-dire tout le tempérament qu'on a enfant réapparaît avec des fulgurances. Et donc, moi, j'ai des anecdotes, quand j'étais initiée, que je me comportais comme une enfant. Mmh. Donc, il y a une régression, on retourne en arrière à travers ce rituel où on nous met couchés. Je ne vais pas vous raconter tous les rituels parce qu'on en a pour des heures. Couchés sur une grosse pierre du côté gauche. En principe, on ne peut pas bouger. Quand on a ses petits besoins, on a un seau hygiénique qu'on doit faire devant tout le monde. Enfin, je vous passe les Est-ce détails. Est-ce que vous n'aviez pas des entrailles de poulet sur votre tête? Oui, parce que le sacrifice, c'est pour apaiser le désordre du monde. Et donc, eux, quand ils font des sacrifices, c'est bien moins violent que dans nos abattoirs, parce que ils parlent à l'animal qui va être sacrifié et il y a une sorte d'hypnotisme. Et à ce moment-là, soit ils égorgent le poulet ou soit ils tuent le... Parce que ça va jusqu'à des taureaux. Hein. Ils font des grands, des grands animaux aussi. Et donc, ça, c'est toute une théorie des peuplades primitives. C'est que le sang, ça représente la vie. Et donc, tout est un peu symbolique, quoi. Oh, écoutez, on est très émotionnés. On va maintenant entendre un peu de musique et puis vous allez reprendre vos explications. Oui, je peux parler d'autres choses. Sur vos doux, mais non, d'une certaine manière, vous nous faites comprendre le surnaturel. Hein? Oui, et on va clôturer ici ou bien je termine avec une petite phrase? Oui, une petite phrase. Et je pense justement, mais là je vais prendre, là j'ai une petite note parce que comment s'appelle-t-il ? Frédéric Lenoir. Pour le moment, il passe sur Arte. Je ne sais pas si vous avez vu cette série qui est sur la sagesse du monde. Et pour le moment, Frédéric Lenoir, qui a écrit beaucoup de livres sur la sagesse et qui a été dans un monastère, qui a, je crois, eu une vocation à un moment donné. Et il dit que nous... Les sociétés primitives respectent la nature, que ce soit les Indiens d'Amérique du Nord, que ce soit les aborigènes d'Australie. Et notre société moderne de consommation, de technologie de plus en plus avancée, nous amène à ne plus respecter la nature. Et donc, je crois que lorsque j'ai étudié le vaudou et toutes ces autres sociétés différentes des nôtres, je trouvais qu'ils avaient cette capacité d'être plus reliés, que ce soit aux arbres. Les arbres sont sacrés chez eux, mais maintenant, avec la science, on a découvert que les arbres parlaient, qu'ils ont un langage à eux. Quand on les coupe, ils émettent des sons de souffrance. Ça, on avait oublié. Et c'est pour ça que tant que ces sociétés sont vivantes, ça vaut la peine de les étudier et de les comprendre de l'intérieur. C'est midi, son est rond, on se veut être les hommes. En bon temps, les femmes flammes, y'ont gros soleil douleur. Tout va pas, c'est un macho et autres petits formes. Manque ma caille, fouet, j'en basique, on est fiel, Christ. Tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, oh tchoulé. C'est midi. Tchoulé, tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, tchoulé, oh tchoulé. Tchoulé, tchoulé, oh tchoulé. We'll be right back. Notre invitée, c'est Patricia Skrajen-Verhagen, qui a voyagé, comme je l'ai déjà dit, vraiment à travers le monde, qui a filmé, qu'ils ont filmé, les tribus africaines, des animaux sauvages, des rois même qui n'existent plus. Je me rappelle, dans certaines séquences, il y avait encore des femmes qui pouvaient se déplacer qu'à genoux devant le souverain. Mais Patricia a tellement d'histoires à vous raconter qu'elle va revenir et qu'aujourd'hui, on aborde encore un sujet. C'est celui des prêtres au Cameroun. Oui, j'ai lu son livre dans le temps, mais je n'ai pas eu l'occasion de le relire. Mais c'est un jésuite qui s'appelle Éric de Rosny et qui s'est fait initier comme sorcier en 1957 à Douala, au Cameroun, mais sans abandonner sa foi. Mais justement avec cette même démarche. Quand on aime les autres, il faut savoir rentrer dans leur espace. Il faut savoir prendre le meilleur. Et qu'est-ce que c'est le meilleur si ce n'est l'amour pour toute la société humaine? Il ne faut plus rester dans nos petites vies. Il faut essayer d'élargir. Et c'est ce que ce prêtre a compris. Alors, il y a aussi un très très beau film que l'audience aura peut-être vu. C'est le film de Roland Joffé, Mission, où il y avait les colonisateurs qui abusaient des Indiens et deux prêtres jésuites aussi, apparemment les jésuites sont très casse-cou, qui ont défendu des tribus amazoniennes au détriment de leur propre vie. Et il y a aussi, j'ai filmé ça aussi, Monseigneur Romero dans l'église de Salvador, dans la cathédrale, qui a été sauvagement assassiné par les militaires parce qu'il était trop près du peuple et trop près des pauvres. Donc, et durant mes expéditions, j'ai souvent aussi rencontré des prêtres très dévoués et remarquables. Et dans ma famille, j'ai quelques grands-oncles qui sont missionnaires, qui étaient missionnaires. Et mon prêtre vaudou m'a demandé si j'avais eu dans ma famille des relations avec l'Afrique. Et quand je lui ai dit que j'avais eu des grands-oncles qui avaient été missionnaires, dont un au Congo, il m'a dit « c'est sans doute, parce qu'ils ont une pensée plus subjective que nous, c'est sans doute une des raisons pour laquelle je t'ai accepté chez nous. Mm-hmm. » Voilà. Bon, j'ai des frissons, ce qui est un signe d'émotion intense. Patricia Skrajen, on peut voir vos films ou quelques vidéos sur Google ou... Oui, sur YouTube, vous regardez, je crois que c'est Étienne, mon mari, qui a sur YouTube, il faudrait d'abord cliquer sur Google Étienne Verhagen, cinéaste, et il a, comment est-ce qu'on appelle ça, un déroulé, mais ce ne sont que des morceaux. Morceaux de films, des extraits. Et dans un des films, il y a mon initiation au vaudou. Incroyable. Mais avec une seconde porte dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est celle des sociétés secrètes qui sont très dangereuses en Haïti, qui pratiquent la zombification. Mais ça sera pour une autre émission parce que c'est aussi assez compliqué. Merci, Patricia Skrajen-Verhagen. Avec plaisir, j'adore communiquer ce que j'ai vécu et que j'aimerais bien que d'autres puissent le vivre aussi parce que c'est assez extraordinaire. Merci Elisabeth et merci à la radio. Burning violin, dance me through the planet. gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Yeah, dance.